l'atmosphère qui croule sous son poids, un arrière-goût amer des va-t'en reste là. J'ai trouvé ma muse, mais elle veut pas de moi. Et c'est au pied du mur qu'on regrette ses choix. C'est une pièce sombre, j'y vis au quotidien. Je me blottis dans l'ombre en pensant. Des mots, l'amour retrouvé, s'ouvrir s'il le faut, ne pas se retourner, le sens caché des mots, une rage étouffée. Souffrir s'il le faut, et tout recommencer. Les phrases sont des larmes, et quelquefois des armes. Se sentir agressé, libre ou révolté, puiser dans ses rêves, ses cauchemars, ses malaises, un esprit torturé par de sombres pensées, par de sombres pensées. Que renferme nos choix.